Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la revue Cité Libre. On peut dire que le Québec de 1960, c'était la Cité Libre de 1950. Les contestateurs de 1950, si on schématise, se sont retrouvés au pouvoir en 1960 avec cette idéologie de rattrapage qui a été le moteur de ce qu'on a appelé la Révolution tranquille. Jean-Paul Desbiens, l'auteur des Insolences du frère Intel, à l'émission Il y a un siècle, il y a un jour, en 1967. Jean-Paul Desbiens qui définit assez bien l'importance qu'aura la revue Cité Libre dans la marche du Québec vers la modernité. Fondée, entre autres, par Pierre-Éliott Trudeau et Gérard Pelletier, Cité Libre va compter parmi ses collaborateurs René Lévesque, Fernand Dumont, Pierre Vadeboncœur, Pierre Vallière et plusieurs autres figures importantes dans le développement du Québec de la Révolution tranquille, le Québec de l'après-Duplessis. Je me demande pourquoi est-ce qu'on me reproche de faire la spéculation. Est-ce que c'est mal en politique? L'intellectualisme, comme disait la vieille, la philosophie poussée trop loin mène à la folie, M. Trudeau. Oui. Et votre article de 32 pages est, à mon sens, une pure idéologie qui ne saurait être appliquée ni dans la province de Québec ni ailleurs. Mais... Vous venez de prouver que l'idéologie n'a pas d'importance pour le peuple. Alors, ce que je dis, c'est qu'il faut tâcher d'intégrer du meilleur dans la politique, et je pense que les idées, ça peut contenir du meilleur. Alors, de là, je dis que l'idéologie dominante actuellement s'incarne dans l'Union nationale. C'est pas parce que c'est un parti qui est moins bon ou mieux que les autres, c'est parce que c'est lui qui est au pouvoir. Merci, M. Trudeau. Bon, vous êtes bienvenue. Alors, il s'agit de réunir les gens dans l'opposition qui veulent renverser cet état de choses. Pierre-Éliott Trudeau en débat avec Gérard Laganière, un représentant de l'Union nationale en 1958. Pierre-Éliott Trudeau qui défend donc l'un de ses textes, un texte paru dans Cité Libre, pour nous raconter cette histoire, l'histoire fascinante de Cité Libre, pour nous parler aussi de l'importance qu'aura cette revue dans l'histoire du Québec. Je reçois l'historien Yvan Lamonde. Monsieur Lamonde, bonjour. Bonjour, Monsieur Beauchamp. C'est extraordinaire ce qu'on vient d'entendre. Vous qui vous intéressez à la vie intellectuelle au Québec, on parle d'intellectualisme, mais ce qui est fabuleux, c'est ce choc, cette opposition de deux cultures politiques, de deux générations, je pense bien. La détermination d'un Pierre Trudeau dans cet extrait à en finir une fois pour toutes avec le Duplessis. Parlez-nous de ce Québec-là, le contexte au fond dans lequel va naître cette revue Cité Libre. Cité Libre est fondée en 1950, c'est le contexte de l'après-guerre. Le contexte de l'après-guerre, c'est un contexte d'industrialisation accélérée, précisément à cause de la guerre, un contexte qui va donner une force nouvelle au syndicalisme, d'où la présence d'un certain nombre de syndicalistes à Cité Libre, oui, dont Pelletier, Réginald Boisvert, qui était réalisateur à Radio-Canada, Pierre-Éliott Trudeau, qui assiste les syndicats. Donc, c'est la... Les progressistes, là, les gens plutôt à gauche. Oui, oui, c'est la modernisation du Québec. Et avec cette modernisation contre laquelle on ne peut plus aller, il advient une modernité, c'est-à-dire que l'on prend en cause les effets de cette modernisation sur la tradition, sur les façons de faire anciennes. Et les gens de Cité Libre représentent une forme de modernité, de volonté de mettre le Québec à jour, au plan politique, au plan religieux, au plan du syndicalisme. Il y a un rattrapage même, une urgence de faire ça. Mais c'est vraiment ça, les anciens contre les modernes. Les modernes, c'est la bande de Cité Libre, puis ils sont ailleurs aussi. Puis les anciens, c'est d'abord et avant tout, la cible, c'est l'Union nationale, c'est ce régime du Plessis, là, oui, dans un premier temps. Encore dans les années 50, la discussion entre M. Trudeau et M. Laganière illustrait parfaitement le choc de ces conceptions de la politique et de la vie civique. Mmh. Tout de suite, un mot sur l'importance qu'aura cette revue-là. Vous avez publié en 91, en collaboration avec Gérard Pelletier, un des fondateurs, dont je le rappelle, de Cité Libre, une anthologie de textes de Cité Libre. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi cette revue-là? De quelle manière, pour vous, Yvan Lamonde, Cité Libre a été si important au Québec? Ben, c'est parce que j'ai découvert que c'était une revue qui était singulièrement autre chose que seulement du fédéralisme. Il n'y en a pas vraiment beaucoup, d'ailleurs, dans la revue comme telle. Et puis, à l'époque, on ne trouvait pas de collection plus ou moins complète de la revue. Ouais. Il fallait donc compenser cette absence de sources historiques. Maintenant, la revue, et si vous allez sur le portail de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, la revue est accessible en ligne. Ouais. Bon. Tous les numéros y sont maintenant. Tous les numéros y sont. Mais je savais bien que cette revue était un point tournant pour comprendre un phénomène qui est celui des années 50, qui sont un angle mort de l'histoire et de la compréhension que les citoyens ont de l'histoire du Québec. Mmh. Il fallait donc fournir au public un choix de texte représentatif de ce qu'avait été l'aventure de Cité libre. Au fond, rentrer dans la tête, j'imagine, de ceux et celles, je le disais en introduction, qui vont faire ce Québec moderne de la Révolution tranquille, parce que beaucoup de ces contestataires de Cité libre vont, Pierre Trudeau, mais d'autres, vont entrer dans l'action politique. C'est un peu ça l'idée de l'anthologie, c'est qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête, ces gens-là, qu'on connaisse mieux d'où ils partaient, finalement. Oui, parce que nous avions, dans les années 60 et 70, de fortes idées préconçues et sur Cité libre et sur les personnages de Cité libre. Oui. Par exemple, qui savait que Pierre Vadeboncœur avait été antinationaliste, oui, virulent? C'est lui qui À l'époque de Cité libre. Au début. C'était le grand ami de Pierre Trudeau. Bon, alors donc, il fallait que des lecteurs puissent lire par eux-mêmes, ouais, ce qui avait été l'expression des idées de ces gens-là. Ouais. Parce que l'évolution, effectivement, des gens qui vont participer, des collaborateurs de Cité libre, il y aura au sein même de la revue une évolution qui sera l'évolution du Québec, d'une partie en tout cas du Québec dans les années qui vont suivre. C'est intéressant parce que vous dites, ce n'est pas qu'une revue fédéraliste, farouchement antinationaliste. Écoutez là-dessus, entre autres, Pierre-Éliott Trudeau, qui résume un peu l'esprit Cité libre, ce qu'il voulait faire au début. Et il parle effectivement des champs d'intérêt très, très vastes de la revue. Entrevue que Pierre-Éliott Trudeau donne au micro de Chantal Beauregard en 1967. Cité libre, c'était pour nous un endroit où exprimer des idées qui, sans ça, seraient restées sans expression. Les journaux de cette période ne publiaient pas ce genre d'articles et les quelques revues qui existaient n'étaient pas de l'orientation socio-économique qu'on voulait lui donner. Et on a, dans cette revue, beaucoup parlé d'éducation, de syndicalisme, d'économique, du rôle de l'État dans une société, du négativisme, du nationalisme. Et on a publié toutes ces choses sur une période de plusieurs années. Mais pourquoi ne pas vous engager directement dans la politique provinciale? Bon, pour une raison très simple, parce que les idées qu'on exprimait à ce moment-là n'avaient pas cours dans les partis qui étaient au pouvoir ou qui étaient dans l'opposition. Si je peux dire, notre opposition politique à ce moment-là s'est exprimée en dehors du Parlement parce qu'elle n'avait pas le choix. On ne pouvait pas, à ce moment-là, se faire élire avec les idées qu'on avait. D'ailleurs, quelques de nos camarades ont essayé. Jacques Perrault, par exemple, je dis nos camarades, quoiqu'il était un peu plus vieux que nous, mais il était dans les mêmes batailles. Et d'autres, Jean-Robert Ouellette, Pierre Vadeboncœur, à un moment donné, ces gens-là se sont présentés électoralement, mais avec un succès moins que piètre. Alors il fallait faire de la politique sans être en politique, et on en a fait. Beaucoup, beaucoup de choses, Yvan Lamonde, dans ce qu'on vient d'entendre. D'abord, un tout petit mot, parce qu'on en a parlé déjà, mais oui, une peur du nationalisme, d'un certain nationalisme, mais beaucoup plus que ça, dans ce que vient de dire Pierre-Éliott Trudeau, éducation, syndicalisme, rôle de l'État dans une société. Les intérêts sont beaucoup plus larges que cette simple question nationale. Oui, et c'est ce qui fait que Pierre Trudeau a raison de souligner que dans les années 50, dans l'après-guerre, le combat se fait en dehors du Parlement. Oui. L'opposition au duplessisme, elle est extra-parlementaire. C'est celle du syndicalisme, d'abord et avant tout. Les grèves, la CSN, Jean Marchand, l'amiante, bon. C'est aussi les médias, Le Devoir, qui avec de Fillon et Laurendeau, et les revues comme Cité libre. Donc, l'opposition du Parti libéral, elle est très faible. Ouais. Hein, La Palme est un peu isolée jusqu'à temps que Jean Lesage vienne et bon. Parce qu'ils ne sont pas rendus là sur le plan des idées. Trudeau dit il n'y a pas de place pour nous, je paraphrase, là, mais il n'y a pas de place pour nous, pour nos idées dans les partis politiques actuellement. Là. Oui, c'est juste. Ils ont même essayé de créer en 1956 un mouvement qui s'est appelé le Rassemblement et qui se voulait justement. Le rassemblement de l'opposition à Duplessis, mais ce rassemblement n'a pas finalement porté ses fruits. Oui. Donc, Cité libre a été importante parce qu'elle s'est attaquée à des piliers du temple. Oui. La politique, l'absence de démocratie, la religion, le cléricalisme, dans le domaine de l'éducation, entre autres choses. Cité libre était une revue d'idées politiques et non pas de ouais. politique ou de partis politiques, mais elle a singulièrement ébranlé ouais. les piliers du temple de la tradition. Revue d'idées, mais plus que ça, revue de combat, carrément. Quand Trudeau dit qu'il fallait faire de la politique sans être en politique, c'est ce que fait Cité libre. Tout à fait, ouais. tout à fait. Mais ça n'en fait pas une revue politique pour autant. Non, mais non, ce sont des idées politiques ouais. qui sont exprimées, une contestation des idées politiques en place et le combat, il est là. Il y a trois grands piliers. Donc, duplessisme d'abord, ça c'est la première cible, hein? La première cible à abattre, si je puis dire. Oui, c'est ce qu'incarne Duplessis et l'opposition à M. Duplessis. Et l'occasion pour les gens de Cité libre de parler du destin de la démocratie au Québec. Et ça, c'est un combat que mène Pelletier, que mène Fernand Dumont. Ils sont très documentés sur, par exemple, la non-évolution de la carte électorale, qui est un des plus beaux signes du manque de démocratie, du duplessisme qui conservait les circonscriptions rurales aux dépens des circonscriptions ouais. urbaines. Avec un déséquilibre dans les populations. Voilà. Alors donc, la démocratie, ça a été l'idée qu'on a opposé oui. Au duplessisme en sud de la corruption. Parce qu'en fait, il y a Cité libre, mais je sais que quand vous avez préparé cet ouvrage en collaboration avec Gérard Pelletier, vous lui avez parlé, l'aspect libre, liberté est très, très important. Donc, on s'attaque à une autorité politique très forte, pour rester poli, celle de Duplessis, très antidémocratique. On s'attaque aussi, toujours dans cette idée de liberté, puis c'est l'autre gros combat de Cité libre, au cléricalisme, mais qui incarne l'autorité suprême incontestable. Et c'est intéressant pour les plus jeunes auditeurs, entre autres, mais Gérard Pelletier vous dit en avant-propos de votre ouvrage, écoutez, là, faut se rappeler du contexte de l'époque, on parle d'intégrisme catholique, c'est ce qu'il dit, comme on pourrait aujourd'hui parler d'intégrisme musulman. C'est pas juste de l'anticléricalisme primaire là, que combat Cité libre. Non, Cité libre porte très bien son nom. C'est un forum que cette revue, où se sont exprimés librement une quantité de gens qui n'ont pas toujours eu les mêmes idées. La revue a été tellement libre qu'elle a permis l'énonciation de positions qui différaient oui. de la ligne éditoriale de la revue. Et la contestation du pouvoir politique de M. Duplessis et la contestation du pouvoir de l'Église catholique c'était une seule et même chose dans ouais. la mesure où la hiérarchie catholique servait d'état au pouvoir politique. Alors donc, ce sont des catholiques. Ouais. Hein? Les gens de Cité libre, c'est des anciens de la JEC ouais. qui reprennent du service jeunesse étudiante catholique. 15 ans plus tard. Et donc, des gens, soit des catholiques ou des athées comme Maurice Blain, s'attaquent à la présence de l'Église dans des domaines ouais. qui ne sont pas de son ressort, ouais. que ce soit la politique même ou que ce soit la place trop grande de cette Église dans le système scolaire. Un mot quand même sur le nationalisme, ayant dit qu'il n'y a pas que ça, on l'a vu avec vous abondamment depuis quelques minutes, mais il y a quand même ça. Il y a Pierre Trudeau qui est là, entre autres, on sait ce que ça deviendra, ce que ça donnera politiquement à la pensée politique de Trudeau. Il y a des textes importants de Trudeau, entre autres, la trahison des nouveaux clercs sur le nationalisme, la peur du nationalisme, mais deux choses, quelle place ça occupe? Cette question du nationalisme à Cité Libre. Et de quel nationalisme parle-t-on, Yvan Lamonte? C'est le nationalisme qui est visé par M. Trudeau, par M. Pelletier, par Jean Pellerin. C'est le nationalisme qui, pour eux, avait été d'abord responsable du deuxième conflit mondial, c'est-à-dire le nationalisme exacerbé en Allemagne avec le nazisme, les fascismes au Portugal ou en Italie avec Mussolini. Eux sortaient de la guerre avec cette perception du nationalisme qui, sur place avec M. Duplessis, trouvait une nouvelle personnification appuyée en sus par l'Église qui défendait ce nationalisme à composante religieuse. C'est donc contre ce nationalisme qu'on va se mettre de front. Vieux nationalisme très identitaire. Oui, c'est le nationalisme traditionnel, traditionnaliste. Et là, ce que l'on a cherché chez des gens comme Vade Boncœur, Fernand Dumont, Marcel Rioux, dans la seconde moitié des années 50, dans la revue même, c'est de formuler un autre nationalisme concevable et de gauche. C'est intéressant qu'on parle de ça, de l'évolution au sein même de la cité, de Cité Libre, de cette pensée chez certains par rapport au nationalisme, parce que ça va donner, en 1963, une espèce de petite révolution, un changement de garde. Extrait de l'émission Partage Joux, c'est Pierre Vallière, entre autres, qui va devenir co-directeur de la revue Cité Libre. Extrait de l'émission Partage du jour du 18 décembre 1963. Cité Libre, une entreprise canadienne-française, vient de perdre trois de ses dirigeants. Il s'agit de messieurs Gérard Pelletier, Pierre-Éliott Trudeau et Jacques Hébert. La revue sera désormais dirigée par messieurs Pierre Vallière et Jean Pellerin. On dit dans les milieux autorisés que la revue repart du bon pied. Pierre Vallière, de quel pied s'agit-il? Évidemment du pied gauche, même si c'est pas l'habitude courante. Qu'est-ce que c'est pour vous, Cité Libre, actuellement? Cité Libre, pour moi, c'est un moyen de promouvoir une philosophie de la vie dont l'idée fondamentale est que chaque homme ou tous les hommes sont nés avec des droits égaux. C'est un instrument au service de quelques hommes qui veulent promouvoir ces idées-là dans la société. Et aussi qui cherche à définir la collectivité canadienne-française, qui est une collectivité neuve dans le monde encore, et qui cherche à remplir un rôle historique. Alors, Yvan Lamonte, que se passe-t-il à Cité Libre en 1963 pour qu'on nomme Pierre Vallière co-directeur de la revue? Dans la suite de notre conversation, M. Beauchamp, Cité Libre est vraiment une Cité Libre dans la mesure où on veut, en 62, donner la voix à la génération montante. Et cette génération montante, Pierre Vallière la personnifie en décembre 63, deux mois après la fondation de la revue Parti pris. On a donc en 63 aussi, en 62, ouvert les portes de la revue à quelques collaborateurs qui seront ceux de Parti pris. Oui. André Major, Gérald Godin, peut-être Chamberlain. Bref, on essaie de discuter avec la relève, avec la génération montante, mais la discussion va tourner court. C'est vrai à Cité Libre, parce qu'on va voir que la greffe ne prendra pas entre Jean Pellerin et Pierre Vallière. Et d'autre part, Parti pris va en bonne partie se définir contre Cité Libre et contre les idées de cette revue. En fait, c'est un peu le début de la fin de Cité Libre qui est un petit peu comme doublé sur sa gauche. Il y a l'aspect nationaliste. C'est plus là où se fait la contestation. On écoute là-dessus un extrait à nouveau de l'émission Partage du jour. Jean Blain, l'historien Jean Blain, en mars 1964. Et comment expliquer la fatigue qui est apparue à un moment donné à Cité Libre? En 1960, a eu lieu le changement de régime. Est apparu ce qu'on appelle aujourd'hui la Révolution tranquille. Et ça a eu pour effet, semble-t-il, de porter les idées de Cité libre au pouvoir. Et on a eu l'impression, à ce moment-là, que le progrès, ou la tendance au progrès à Cité libre, s'est arrêtée pile. Alors que chez les jeunes, les idées émises par Cité libre avaient entraîné un développement qu'on retrouve aujourd'hui, par exemple, dans Parti pris, et qu'on retrouve, qu'on a retrouvé dans la deuxième équipe de Cité libre, celle qui a démissionné récemment. Donc, le Québec intellectuel, Yvan Lamonde, n'est plus à Cité libre. Ce Québec intellectuel, il est passé à autre chose. Oui, ce qui est assez fascinant et qu'on peut généraliser, c'est l'accélération avec laquelle les changements s'opèrent et comment les mouvements des années 50 ou même du début des années 60 sont à peu près constamment dépassés sur leur gauche. Ouais. Par exemple, quand le mouvement laïque de langue française est fondé en 61, ben, 4 ans plus tard, il y a un courant qui a mené le combat ailleurs et plus loin. Alors, Cité libre, 3 des membres actifs quittent. Le nationalisme a trouvé une nouvelle forme avec le RIN en 60. On fait comme la preuve, si vous voulez, qu'il y a un nationalisme autre que celui de Groulx ou de Duplessis. Donc, on passe assez rapidement à autre chose et Cité libre a fait son temps. Oui. Ça finit autour de 1970. Il y aura une tentative de relance dans les années 90 qui ne sera pas très heureuse. Même Gérard Pelletier va s'en dissocier. Des plumes comme celle de William Johnson vont écrire dans ses pages de Cité libre des années 90. En terminant, avec le recul, qu'est-ce qui reste de cette revue, de ce qu'elle a été dans le Québec d'aujourd'hui? Je pense qu'il reste deux idées importantes. L'idée de constamment défendre la liberté d'expression et l'importance fondamentale de garder la démocratie, comme fondement à tout projet politique et à toute démarche politique, surtout dans un contexte où les mouvements migratoires sont si importants. La souveraineté du Québec doit nécessairement être accompagnée de la démocratie qui est au fond de toute tentative politique. Yvan Lamonde, merci beaucoup. À bientôt. Yvan Lamonde, historien, professeur émérite à l'Université McGill, auteur de Cité libre, une anthologie en collaboration avec Gérard Pelletier. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, à la prochaine.